Oracle. Dieu a parlé dans le passé à travers les prophètes. Aujourd'hui encore, il continue à parler à travers ses serviteurs qu'il a oint. Écoutez les oracles du Seigneur. Le samedi 1er février 2020 a eu lieu la journée des amis de Fréquence Vie. Et à cette occasion, nous recevions le pasteur Georges Amoako de la Maison de la Destinée que nous entretenait sur le thème suivant, l'eau pour la pluie. L'eau pour la pluie. Écoutez ce message, amis auditeurs. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment que toi-même te bénis. Merci pour ta parole. Inspire-nous et inspire ton peuple. Que ta parole vienne dans toute sa simplicité et sa puissance. Dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi Amen. Amen. Nous sommes à 1 Roi chapitre 7. 1 Roi chapitre 7, le verset 1. Un roi, c'est juste avant deux rois. Pour ceux qui ne connaissent pas où se trouve un roi. Élie, je lis le verset 1. Élie le Thesbite, l'un des habitants de Galad, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. C'est un passage très connu. Il s'agit de ce grand prophète Élie qui affronte le roi Achab et qui libère cette parole de foi. Il dit, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie. Et il conclut, sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Il y a un pasteur qui prêchait, qui disait, c'est comme si Élie avait fermé les exclus du ciel et qu'il avait mis la clé dans sa poche. Ça veut dire il ne va pas prévoir sinon à ça, aide-moi, à sa parole. Et il est parti. À partir de ce moment, le pays va connaître une saison de sécheresse inédite. Il va avoir 3 ans et demi. Une sécheresse de 3 ans et demi. Le sol est devenu sec et aride. La pluie fut remplacée par la poussière dans l'atmosphère et le nuage par la poudre. Tu peux imaginer. Le nuage de poussière et de poudre desséchait le sol et le rendait aride, stérile et dévasté. Tout desséchait. Dieu va conduire Élie, comme vous le savez, au torrent pour pouvoir le nourrir par l'entremise d'un corbeau 2 fois par jour. Ça veut dire que lui-même, il subissait la proclamation prophétique venant de lui. Et tout le pays était à la recherche d'eau. Laissez-moi lire 1 Roi 18, le verset 5 et 6, pour voir le roi lui-même. Le roi Achab lui-même, dans notre contexte, le président de la République lui-même était à la recherche de l'eau. 1 Roi 18, le verset 5 et 6. Akab ou Achab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvait-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets. Et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partageaient le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Imagine, je suis en train de t'expliquer combien de fois la sécheresse avait pris tout le pays, même le palais. Il y avait la pénurie d'eau. En ce moment, tout le monde cherchait de l'eau, y compris même le roi, y compris même le président. Le président sort avec Abdias. Il dit à Abdias, passe l'autre côté, passe ici, je vais aller l'autre côté. Peut-être, ils ne sont même pas sûrs, peut-être, nous allons trouver de l'eau. Tout le monde cherchait de l'eau. La chose la plus chère de ce pays d'alors était, parle fort, était de l'eau. La chose la plus précieuse était de l'eau. On partage pas son eau comme ça. En ce moment-là, quand tu as ton petit eau, tu sais que c'est pas amusement. On se communique. 3 ans et demi plus tard, le prophète Élie, il revient sur la scène et il promet au peuple la pluie. Dis après moi, la pluie. Et ma prière est que Dieu t'accorde la pluie des bénédictions. Que Dieu t'accorde la pluie des bénédictions. Il est venu sur la scène et il a promis au peuple la pluie. Ce qui est sûr, le peuple croyait. Parce que c'est la même personne qui est venue parler d'une saison de sécheresse. Maintenant, il revient sur la scène 3 ans et demi plus tard et il annonce, il promet la pluie. Dis après moi la pluie. Mais il va mettre une condition. Nous sommes à 1 roi 18, le verset 30. C'est ici mon message principal, mon passage principal. 1 roi 18, le verset 30. Vous y êtes? Jusqu'au verset 35. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rebâtit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité des 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, lisons la suite ensemble, puis il dit, on y va ensemble, remplissez d'eau 4 cruches. Et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, On y va ensemble. Faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. Qu'est-ce que se passe ici? C'était une confrontation entre le prophète de Baal et le prophète Élie. Élie lui a dit, faites votre prière d'abord. Et ils ont fait leur prière. Mais ce qui est étonnant, c'est que Baal, il est dit que Baal est le dieu de la fécondité. Est-ce que vous voyez? Et ce que Élie est en train de faire, quand il voulait attaquer Baal, comme il est le dieu, entre parenthèses, de fécondité, il a besoin de la pluie pour faire féconder le sol. On se communique. Et la stratégie de combat spirituel de Élie pour attaquer Baal, ce dieu de fécondité, il faut fermer tous ses robinets. On se communique. D'où l'absence de l'eau. Dans ce sens-là, Baal ne peut pas se manifester. Élie savait. Il dit à ses prophètes, prie. Il prie. On a déjà brisé ses bases arrière. Il prie. Il ne répond pas. Élie dit, peut-être il n'y a pas de raison. Prie. Ils font tout, ça ne passe pas. Et lui, il revient sur la scène. Quand il est venu sur la scène, il n'avait pas prié d'abord. S'il te plaît. La Bible dit, il a d'abord rebâti l'autel qui avait été renversé. Et il a rebâti l'autel sur la base des 12 tribus d'Israël. Si tu avais bien suivi la lecture. Et quand il a fini, les prophètes de Baal ont fait un sacrifice. C'est un taureau. Élie aussi a fait même chose. Mais Élie savait que, à ce moment-là, pour pouvoir faire un bon sacrifice, tu n'as pas besoin d'un animal. Dis-moi pourquoi. Parce que cet animal-là n'est pas engraissé. 3 ans et demi de la sécheresse, l'homme même ne trouve pas à manger, à boire. C'est pas l'animal là, on va donner à boire. Alors tu peux voir que c'est un animal très, très mince, qui ne ressemble pas, qui n'est pas digne de sacrifice. Élie savait que c'est vrai, qu'on ne fait pas sacrifice avec de l'eau. On se communique. Mais Élie sait que dans cette période-là, la chose la plus importante dans cette période, dans cette saison, c'est l'eau. Si Élie disait, apportez vos taureaux, ils sont en train de mourir. On peut même envoyer ça à Élie. Parce qu'on veut même se débarrasser. Oh, aide-moi. On veut se débarrasser d'eux. Mais Élie sait que la chose la plus précieuse dans cette période, c'est l'eau. Et après avoir redressé l'autel, au lieu de dire, allez chercher vos taureaux, ou bien vos agneaux, vos animaux, il dit, j'ai besoin d'eau. 4 cruches d'eau. Dans notre contexte, on peut dire, chaque grand seau d'eau. Imagine si tu étais là. Imagine. Ahab même cherche l'eau. Il ne trouve pas. Et toi, simple citoyen, le petit seau d'eau que tu as, en train de faire moro, un prophète vient et il dit, fais venir 4 seaux. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu étais là? On connaît les fidèles. Ils vont commencer à murmurer. Tu nous as promis la pluie. Donne-nous la pluie, nous on va partir. C'est toi. Quand tu es venu fermer le ciel, là, est-ce que tu avais demandé quelque chose? Maintenant que tu vas ouvrir, il faut l'ouvrir, on va partir. Élie dit, vous cherchez la pluie? Donnez-le. Tu cherches la pluie? Donne-le. Le thème de mon message, c'est l'eau pour la pluie. Dis après moi, l'eau pour la pluie. Dis encore, l'eau pour la pluie. Le peuple cherche la pluie. Dieu cherche, prêchons ensemble. Dieu cherche, le peuple cherche, Dieu cherche, le sol a besoin de la pluie, pas d'eau. Aucune quantité d'eau tu mettras sur ce sol séché et asséché, aride, ne va faire quelque chose. On se communique. Le sol cherche la pluie. L'autel cherche de l'eau. Merci. Le sol cherche, on y va ensemble, la pluie. Mon sol cherche la pluie. Mon sol peut être mon église, mon entreprise, mon foyer, ma vie, ma vision, etc. A besoin de la pluie. Mais l'autel a besoin d'eau. A besoin de l'eau. Le peuple a besoin de la pluie. Dieu a besoin de l'eau. Et Élie dit au peuple, dans l'eau, dans toute eau que vous avez, Dieu va vous donner la pluie. Normalement, ce qui devrait être la logique est que, Seigneur, nous on cherche l'eau, nous on cherche la pluie, toi tu cherches l'eau. Normalement, donne-nous la pluie, n'est-ce pas? Si tu nous donnes la pluie, n'importe quelle quantité d'eau que tu cherches, nous on te donne. C'est ce qui est logique. Dieu aussi dit non. Donne-moi, on y va ensemble, donne-moi de l'eau. Si tu me donnes ton eau, n'importe quelle mesure de la pluie que tu cherches, je te le donne. Entre la logique humaine et la sagesse de Dieu, lequel tu veux? Non, normalement, en tant qu'homme, nous on dit au Seigneur, donne-moi la pluie. Si tu donnes la pluie là. Mais l'eau là est dans la pluie, non? Donne la pluie. Et moi, je te donne ton eau. Dieu dit non, c'est pas ça. Donne-moi l'eau. Et moi aussi, je te donne la pluie. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous dit l'eau pour. L'eau pour. Je veux que tu lèves la main, tu cries l'eau pour la pluie. Dis après moi, water for rain. Water for rain. Dis ça en baoulé. Ou bien en bété. Ou bien en dida. Oui. Et quand Élie lui avait dit, mettez 4 cruches d'eau. Je pense qu'ils ont murmuré un peu parce que l'eau est précieuse, l'eau est chère. Aucun veut faire sortir son eau. C'est pas intéressant. Mais ils ont fait sortir 4 seaux d'eau. Quand ils ont fait venir, le prophète dit, versez sur l'autel. Hey, versez. Dis après moi, versez. Nous, lorsque on préserve soigneusement, on fait venir, et toi, tout verse, Élie. Et quand ils ont versé, le prophète a regardé sur l'autel, et le prophète dit, faites-le. Oh, on y va ensemble. Oui, une deuxième fois. Ah, ici, là, il va avoir parole. Ils ne sont pas des anges, ils sont des hommes comme nous. Ils vont commencer à critiquer. L'année passée, on a versé l'eau. Cette année, on nous dit encore de verser. On a trop versé. Je pense qu'il y a des gens, ils vont quitter l'assemblée. Ils vont murmurer. Le prophète dit, allez chercher 4 seaux ou bien 4 cruches d'eau et venez encore. Ils sont allés chercher, ils ont envoyé, et le prophète dit, versez. Et ils ont versé. Quand le prophète a regardé, il dit, non, ça ne suffit pas, va, allez chercher encore, aide-moi, 4, peut-être 4 barils, c'est pas petit seau. Va chercher encore. Ah, je pense que ici là, les diacres même vont commencer à murmurer. Élie, quand même. Tu es homme de Dieu, parle. Et la pluie va tomber. C'est tout ce qu'on cherche. Et si on fait venir tous nos petits taux qu'on a cachés et rien ne se passe, qu'est-ce que tu vas faire? Élie dit, allez chercher encore. Aujourd'hui, je suis venu ici comme le prophète Élie pour vous dire, allez chercher encore. On cherche encore l'eau. L'eau que tu as préservée là, que tu as gardée là, l'eau que tu as cachée là, va chercher l'eau là. Est-ce que mon français est clair? Va chercher l'eau là. Alors ce que je suis en train de vous enseigner, ce n'est pas quelque chose qu'un pasteur vient et dit aux gens et après c'est fini, non. Quand le directeur parlait, j'étais assis, je me suis dit dans mon esprit, je pense qu'on peut faire mieux pour l'African's vie. Ça dit pas de mon église. C'est que je me suis dit, on peut faire mieux pour l'African's vie. Et bishop, on va faire mieux. Est-ce que vous voyez? Alors, nous devons soutenir pas African's vie. Si on donne l'argent pour la fréquence B, normalement, c'est la plateforme de fréquence B. Mais c'est pour gagner des âmes. Édifier les frères et sœurs, et même les païens. Est-ce que vous voyez? Moi, bishop, un jour, il y a un musulman que je ne connais pas, qui m'a appelé. Parce qu'il a entendu mon message sur la fréquence B. Et il a cherché mon numéro. Il a cherché à me voir. Et moi-même, je n'ai pas suivi ce message-là. Mais c'est un ancien message que vous avez fait balancer. Et dans ce message-là, je disais que le pauvre n'avait pas besoin d'argent, quelque chose comme ça, il développait. Ça l'a touché. Il m'a appelé. On a fixé rendez-vous à Sokosé. Il est venu et il m'a dit que j'ai suivi la radio fréquence vie et que ça m'a fait du bien et que ce sont les choses que ça m'a bouleversé. On a parlé un peu. Mais je lui ai demandé, mais pourquoi tu ne viens pas à l'église? Il m'a dit, mais je vais venir à l'église pourquoi? Si je suis tout ça là, il y a plusieurs pasteurs qui me parlent, je vais venir à l'église pour quoi? Quand je vais venir à l'église, je vais avoir beaucoup de problèmes. Mais au moins, j'ai mon église. Que je suis, pas simplement dimanche, chaque fois que je vais écouter la parole de Dieu chez vous là, je sais comment vous allez là-bas. Vous voyez, c'est un des témoignages, il y en a beaucoup. Le prophète dit, fais venir l'eau. Dieu vous donne la pluie. Laisse-moi te dire quelque chose. Je vais finir tout ce que quand le pasteur prêche, dans la plupart des temps, on met l'accent sur le feu qui est descendu. Élie a prié et le feu est descendu. Normalement, le peuple là n'avait pas besoin de feu. Ils avaient besoin de l'eau. Le problème, c'est la pluie qui ne tombe pas pendant 3 ans et demi. La solution, c'est la pluie, nous on cherche. Mais pourquoi le feu est venu? Quand Élie a prié, le feu est descendu. Quand le feu est descendu, qu'est-ce que le feu a fait? Lis la suite. Le feu a tout brûlé pour marquer que Dieu a agréé. C'est l'approbation de Dieu. Mais une des choses très importantes que le feu a fait, le feu est descendu dans le fossé où Élie a fait, où se trouvait l'eau. Et Dieu, le feu c'est la présence de Dieu, et Dieu il a soucé, il a bu l'eau de son peuple. Parce que ça faisait 3 ans et demi, il n'y avait pas de sacrifice. Et Dieu avait soif de son peuple. Et Dieu a bu l'eau là. N'est-ce pas, Jésus a dit, cherchez premièrement. Quand le feu est venu et le feu est rentré dans le fossé, et il a bu l'eau. Il y a une version française qui dit lâcher. Dieu a lâché l'eau là. Lâché l'eau là. Ça montre combien de fois il avait soif. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, étanche ma soif. Je veux aussi étancher ta soif. J'ai besoin de l'eau. Toi, tu as besoin de la pluie. Si je te donne la pluie, et sur la base de la pluie, tu me donnes l'eau, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas un acte de foi. C'est un acte de reconnaissance. Mais je veux un acte de foi. Donne-moi l'eau. Et quand ils ont donné l'eau, Élie a dit à Acab, allez à la maison. Parce que j'entends le son de l'abondance d'une pluie. Et lui dit, j'entends. L'atmosphère change. Les poussières se déplacent. Les poudres se déplacent. Les eaux commencent à changer l'atmosphère. Et l'atmosphère devient nuageuse, noire. Et ça commençait à donner des signes de la pluie. Ta pluie arrive. Il va pleuvoir. Il y a la pluie de grâce et de bénédiction qui s'annonce. Mais Dieu dit d'abord, donnez de l'eau. Dieu dit d'abord donner de l'eau. Dieu dit d'abord donner de l'eau. L'homme dit, on n'a pas d'eau. On n'a pas d'eau. Dieu a besoin de l'eau. L'eau, c'est quelque chose, l'eau dans ce contexte-là, c'est quelque chose qui est précieuse. Ce n'est pas quelque chose que tu peux donner facilement. On se communique? Ce n'est pas quelque chose à la portée, mais c'est quelque chose sacrificiel, quelque chose précieux, quelque chose rare. C'est une offrande inhabituelle pour un miracle inhabituel. Ce n'est pas une offrande normale, c'est un acte de foi. On se communique? Et quand l'eau est tombée, Le peuple n'a pas pu. L'eau a changé la face du sol. Il a plu. C'est comme si les trois années de la pluie stockée en haut là, Dieu a tout laissé en bas. Et tu peux imaginer. Excellence, est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu a changé? Dieu n'a pas changé. C'est nous les hommes qui veulent changer Dieu. Si tu me donnes la pluie, je te donne l'eau. C'est pas ça. Dieu dit, donne-moi de l'eau. L'eau que tu as cachée. Le président dit, pour aujourd'hui, on a besoin de 2 millions pour aujourd'hui. Mais le besoin pour cette année, c'est 25 millions. C'est ce qu'il a dit. Pour aujourd'hui, on a besoin de 2 millions. Ça n'annule pas ta cotisation en tant qu'ami. Est-ce que mon français est clair? Ça n'annule pas. Dans 2 millions, là, je cherche les personnes ici qui vont me dire, pasteur, je donne tel montant. Moi, en tant qu'orateur, je vais donner la dîme de ces 2 millions. Parce que dans la vie, il faut être pratique. Hein? Je veux quelqu'un qui va me dire, pasteur, je vais te rejoindre. Venez vous joindre à moi. C'est un acte de foi. On a besoin de beaucoup d'amis. Dieu va accorder la pluie. Dieu va accorder la pluie. Je vous dis la vérité. Dieu va accorder la pluie. Nous servons un Dieu dont les règles et les lois sont bizarres. N'est-ce pas? Sont bizarres. Donne-nous pluie, on va donner l'eau. Tu dis, on n'a qu'à donner l'eau d'abord. Ça veut dire quoi ça? Mais quand ils ont donné l'eau, ils n'ont pas regretté. Ils n'ont pas regretté d'avoir donné l'eau. Ils n'ont pas regretté. Tu ne vas pas regretter d'avoir donné l'eau. Jamais. Tu ne vas pas regretter. Quand la pluie même va venir, maintenant tu vas revenir voir le directeur de la fréquence et lui dire, ça, c'est action de grâce. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est action de grâce. C'est pour dire merci à Dieu. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est un acte de foi. C'est pour enclencher et déclencher notre pluie. Et ça va venir. Ça va venir. Nous allons croire au Seigneur, croire dans sa parole. Sa parole est vraie. Quand il s'agit de donner, tu ne peux pas dépasser Dieu. Merci. Lève l'enveloppe. Si tu as ton argent dedans, tu peux mettre ton argent dedans. Si tu n'as pas ton argent dedans, lève l'enveloppe. Et nous allons prier. Lève l'enveloppe, Excellence. Si tu n'as pas l'enveloppe, lève les mains. Je vais prier. Ce que je vais te dire, crois au Seigneur pour ta pluie. Dis-moi amen. Et ta pluie va tomber sur la base de sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le fait. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. C'est ce Dieu-là que nous servons. Ce n'est pas amusement. Il est fidèle à sa parole. Sa parole a été libérée par son serviteur. Son peuple que vous êtes, vous avez réagi par la foi sur la base de la parole. Il connaît ton besoin. Il connaît ce que tu t'attends de lui. Il va te surprendre. Il va t'accorder pas de l'eau, il va t'accorder la pluie. C'est la pluie abondante. Cette pluie, c'est la pluie de 300 trois ans et demi, bloqué, qu'il va faire tomber sur toi. Tu n'auras pas de seau et de conteneurs et de récipients pour contenir toute cette pluie de grâce et de bénédiction qui vient sur ta vie et sur ma vie. Le ciel qui t'a été fermé, aujourd'hui, ton ciel s'ouvre. Je déclare ton ciel est divinement ouvert et la pluie tombe sur ta vie. C'est une pluie de grâce et de bénédiction. Une pluie que tu ne peux pas contenir. Seigneur, voici, ta parole a été déclarée dans la vie de ton peuple. Et par la foi, ton peuple s'est levé pour agir sur la base de ta parole. L'enveloppe qu'ils ont et les mains élevées représentent l'eau que nous versons sur l'autel pour l'évangélisation de toute la Côte d'Ivoire et au-delà. Et nous déclarons que la fréquence vie va couvrir tout l'étendue du territoire ivoirien. Et nous allons dépasser toute radio confessionnelle et même les radios laïques dans le nom puissant de Jésus. Parce que la pluie qui arrive va couvrir tout l'étendue du territoire. Je déclenche la pluie. J'enclenche la pluie. Que la pluie tombe sur ta vie. Dis-moi amen. Que la pluie tombe sur ta vie. Que ce soit la pluie qui déborde, qui remplit et déborde. Tu n'auras pas de conteneurs, de seaux et de récipients pour contenir cette pluie de bénédiction. À un moment donné, tu vas dire au Seigneur, arrête, mais ça ne va jamais s'arrêter. Dans le nom puissant de Jésus, j'annonce ta pluie. In Jesus' name. Somebody say amen. Tu sais, sois fidèle, honore ton engagement, honore ta parole. On ne se moque pas de Dieu, n'est-ce pas? Acte par la foi et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Vous venez de suivre le pasteur Georges Amoakon de la Maison de la Destinée qui nous donnait cet enseignement, l'eau pour la pluie. Enseignement donné lors de la journée des amis de la radio Fréquence Vie. Vous appréciez la radio, vous êtes édifié par les programmes, vous aussi, vous pouvez être ami de la radio de la vie. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Voici Seigneur, pour faire ta volonté, je te donne mon cœur et toutes mes pensées. Me voici Seigneur, pour faire ta volonté, j'abandonne ma vie et t'offre mon âme. Je le suivrai. Dieu, vous-même. Chacun responsable devant Dieu. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, mon corps. Dites-lui ce que vous abandonnez, ce que vous lâchez. Seigneur, on a besoin de faire de la place pour toi. Nos puits sont remplis de tellement de choses, tellement de pierres, de saletés, de bois, de déchets dans nos puits. Seigneur, nous voulons enlever ces choses, débarrasser ces choses, afin que tu puisses venir, afin que tu puisses remplir, Seigneur. Que quand tu remplisses, il n'y ait pas seulement de la saleté et des détritus qui sortent, mais qu'il y ait une bonne eau qui sorte. Apprends-nous, montre-nous, Seigneur, ce que nous devons abandonner, lâcher pour toi, Jésus. C'était Oracle, une émission conçue et réalisée par la radio Fréquence Vie. Tous les pasteurs qui veulent intervenir à l'émission Oracle peuvent contacter la radio Fréquence Vie. Que Dieu vous bénisse.